Reine des Neiges cette année. J'ai pris mon nouveau casque et je suis là avec vous donc tous les soirs avec Arnaud qui m'accompagne, qui est là. Salut tout le monde. Yep, troisième émission, on n'est toujours pas viré, c'est déjà la bonne nouvelle. Ouais, c'est ça quoi. Ça sera peut-être le cas demain, mais enfin bon. Du lundi au jeudi, on est là avec vous là sur Fun Radio. Connectez donc pour notamment passer tous vos messages qu'on récolte via Facebook, Fun Radio Connected, c'est la page officielle. Venez liker, venez lâcher vos messages. Sur Twitter aussi, c'est 100% gratos. Hashtag Fun Connected. Sur Snapchat aussi, allez-y si vous avez l'appli. Prenez deux minutes, vous allez voir, ça marche. Snapchat, le pseudo, c'est Fun Connected. Et puis par SMS, au 3044, c'est 50 centimes par message. Je dois vous parler d'un truc, les amis. Alors, Arnaud, je le connais depuis quoi? Ça fait 3 semaines qu'on est, ouais, à peu près, on est dans les bureaux, ouais, de Fun Radio. Et on discutait, voilà, on discutait de tout et de rien. Et le mec m'a fait une imitation en direct. Tu vas y arriver, Ouais, je vais y arriver. Une imitation en live qui était juste exceptionnelle. Et je m'étais dit qu'il fallait absolument que je le partage avec vous. C'est un peu ça, c'est aussi les coulisses de l'émission. Tu la tiens cette imitation quand même. Mais il paraît, ouais, tout le monde me le dit. Tu la tiens cette imitation. Et bon, tu sais quoi, on va pas le dire directement, on va Ouais, c'est trop facile. On va laisser deviner un petit peu les auditeurs quand même. Est-ce que tu peux lâcher un indice sur cette magnifique imitation? Cette personne, ouais, c'est un homme et il est belge. C'est un homme et il est belge. Et c'est une star du coup, vu qu'on l'a fait. Ouais, c'est une star. Ça, c'est une star. On peut dire le monde entier pratiquement. Ouais. Eh ben, tu sais quoi, on va partir sur ça. Ce sera le sujet du jour, les imitations. Allez-y, devinez un petit peu par SMS au 3044. Et dites-nous aussi si vous arrivez à imiter des stars, des personnes. Moi, j'arrive à imiter quelqu'un, mais je le ferai plus tard. Voilà. Ok, ça marche. Tu vas voir, tu vas être aussi impressionné. Au 02 851 4x0, vous balancez vos messages aussi sur le standard de Fun. Il y a Florian, il a 30 ans, il vient de Lutre. Comment ça va, mon Flo? Ça va, toi? Eh ben nickel, en pleine forme. Flo, je vais te reprendre dans quoi? Dans même pas deux minutes. Tu veux passer un message pour qui ou pour toi ce soir dans l'émission? Bah, c'est pour remercier une certaine Chantal qui m'a aidé lors d'un petit accident de voiture. D'accord, ah donc c'est un élément positif quand même, ça fait plaisir. Ouais, c'est ça. Bon bah ça marche Flo, bouge pas, vous restez là aussi sur Fun Radio. On va parler également du MacBook Air, c'est ce qu'on vous offre ce soir à l'occasion du double fun. Avant ça, Lost Frequencies, c'est ce qui arrive. Et puis l'un des gagnants du Clash, on va reparler aussi de ce rendez-vous, le Clash. L'un des gagnants du Clash, je pense que c'était lundi. Voici Maître Gims, Ma Beauté sur Fun Radio. Je ne t'ai pas donné tout mon amour, je ne t'ai pas fait mon plus beau discours, j'ai encore envie de te faire la cour, tu me verras sous un autre jour, je suis devenu mon propre fantôme, face à moi-même je pleure comme un mort, je me sens délaissé, ouais, je l'ai bien mérité, ouais. Ma beauté ne t'en va pas, beauté ne t'en va pas, pourquoi tu me fais ça, pourquoi tu me fais ça, ma beauté ne me laisse pas, ma beauté ne me laisse pas. Passe-moi, je rêve. Passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant. Je vagabonde, je m'invite dans les rues, je vagabonde, fais-moi confiance, je changerai. Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Dance floor. Anywhere you want to go, I follow. C'est Fun Radio Connected avec tous vos messages avec le hashtag Fun Connected sur Twitter. Salut à Théodora qui nous dit cool, la nouvelle émission d'Ilan continue comme ça, bah c'est gentil. Et Sam aussi qui est sur la route entre Bruxelles et Liège. Bon courage si vous rentrez du taf, c'est fun. Passez vos messages, vos coups de gueule, ou venez délirer. Fun Radio Connected. 20h-22h avec Dylan, c'est par SMS, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat ou au 02-851-4x0. Prix d'un appel local. Fun Radio Connected. Tous les soirs dès 20h, c'est sur Fun Radio. Le son dance floor. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. On avait essayé MSN et Caramel, mais on s'est dit qu'il n'y aurait pas eu de messages. Il n'y aurait pas eu beaucoup de messages du coup. Dimitri Vegas et Like Mike, c'est ce qui arrive dans quelques petites minutes sur Fun Radio. Il y aura aussi Unique. Et puis vous continuez aussi à balancer vos messages sur un autre moyen, c'est le Snapchat. Là, il y a Victor Lamanda, voilà, c'est son pseudo, qui nous dit sale journée au boulot, mais écoutez la radio, ça relaxe. Dis-moi ah ce ouais, que tu fais. Plaisir, ça, non ouais, c'est vrai. Non, mais c'est plutôt pas mal. Victor, ouais, bah dis-nous un petit peu ce que tu fais comme métier, Victor. Vas-y par Snap, n'hésite pas. Je vous souhaite une super émission, les mecs. C'est signé Martin et enfin Sylvia Dixel sur le Snapchat officiel de l'émission Fun Connected, qui nous dit posez dans ma chambre et je vous écoute. Ah moi je faisais ça moi quand j'étais petit. Mais y a rien de mieux hein. Ouais, moi je faisais ça le soir après la journée de travail ou quoi ou de. Ouais c'est ça. Mais moi je me posais tranquillou. Moi c'était avant d'aller en cours par exemple. Tu vois j'écoutais la radio. J'écoutais ah bah voilà. Fun Radio le soir. C'était y a quoi y a bien. Oh là là. Je te parle de ça. Ouais t'es pas si vieux que ça non plus. Hein. Ouais non mais c'est vrai mais ça fait quoi ça fait ouais 6 ans que j'écoute Fun et je faisais ça moi tranquillou. Mais ça fait plaisir parce que du coup tu t'endors avec la radio et après le lendemain bah t'arrives pas à te réveiller puisque t'es resté jusqu'à minuit. Et puis tu te rends compte que ta batterie de téléphone est complètement morte. Oui c'est un peu ça. On vous l'a dit, hein, vous réagissez aussi dans l'émission, c'est la vôtre, au 02-851-4x0. Est-ce que tu m'entends toujours, Florian? T'es toujours là? Ouais, je t'entends, Dylan. Yep, dis-moi, tu voulais passer quoi comme message sur Fun Radio ce soir? En fait, je voulais remercier une certaine Chantal qui m'a aidé, parce que si tu veux, la semaine passée, ouais. J'étais tranquille derrière Charleroi. Ouais. Et en revenant, on avait embouti ma voiture. Mais non! Ah si. Ah c'est pas possible. C'est-à-dire, elle était quoi? Oui. Complètement défoncée ou c'était juste une petite griffe? Non, il y avait une belle bosse sur le pare-choc. Oh, mais voilà. Et t'as quoi comme voiture vite fait? Une petite Clio là. Oui, ça va. Oh. Mais du coup, on s'en fout là. Tu vois. J'ai la dernière BM, tranquille. Non, mais c'est vrai que ça fait toujours râler. En plus, c'est quoi? C'est sûrement ta première voiture, non? Bah ouais, première voiture, donc c'est un peu mal quoi. Ah, c'est compliqué. Et bon, donc en fait, t'es en train de me dire que tu remercies la meuf qui t'a embouti ou j'ai pas compris? Non, du tout. Une meuf en fait qui a mis un papier avec les coordonnées de la voiture qui m'emboutit. Ah, ça c'est très témoin sympa, de l'accident. Ça. Et donc en fait, du coup, elle a vu la personne, elle a noté, j'imagine, le numéro de plaque sur le petit bout et t'as pu faire quoi d'autre? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, le numéro de plaque, et après j'ai été porté plainte à la voiture, et voilà, ça a été retrouvé, et j'ai eu gain de cause. Et donc, du coup, tu ne connais pas cette Chantal? Non, je ne connais pas du tout cette Chantal, donc j'aurais bien voulu la remercier à travers cette émission. Donc, Madame Chantal, si c'est toi qui as écrit le petit papier, manifeste-toi par SMS au 3044. Apparemment, il y a de l'argent en jeu. Apparemment, Florian veut te faire un petit virement sur le compte bancaire. Non, mais alors, du coup, quoi, t'as réussi à te faire rembourser les dégâts, délit de fuite, tout ça? Le quoi? Délit de fuite, tout ça, alors t'as pu prouver sans problème? Ouais, sans problème. La police a surtrouvé le numéro de plaque et il a été retrouvé. Donc voilà, un grand merci à Chantal, parce qu'un geste pareil, c'est rare de nos jours quand même. Le message est passé. Florian, moi je vais te dire un truc, j'en suis pas fier, mais je vais vous l'avouer ici sur Fun Radio, parce que bon, c'est un peu la famille. Moi j'ai fait la même chose que Chantal en fait, mais dans l'autre sens. Alors je t'explique en deux secondes. En réalité, j'ai un petit peu accroché la voiture en reculant, tu vois, quand j'étais garé. Et en fait, il y avait plein de personnes, c'était à la sortie des cours, il y avait plein de personne, et j'ai pris un bout de papier parce que tout le monde me regardait. Alors j'ai pris un bout de papier et j'ai noté: je suis désolé, je viens d'emboutir votre voiture, mais vu qu'on me regarde, je suis obligé d'écrire quelque chose. Tu vois? Ah, mais je te promets que c'est vrai. Franchement, t'as fait ça? Bah, je suis pas fier, mais en même temps, j'avais pas les thunes pour rembourser. Donc, ma foi, j'ai dû faire comme ça. Je sais que c'est un petit peu salaud, mais enfin bon. Si la personne qui m'écoute et qui était garée à Liège, tout près d'une école, bah, tu sais que c'est moi. Merci beaucoup, en tout cas, Florian. Je te souhaite une belle soirée. Tu repasses quand tu veux sur Fun, d'accord? Merci à toi. Salut. À la prochaine. Salut. On va parler du MacBook Air dans quelques petites minutes sur Fun Radio. On vous l'offre, ce MacBook, à l'occasion de Double Fun. Dimitri Vegas, Like Mike, les meilleurs au monde, les deux DJ Fun Radio, les deux Belges. C'est ce que je vous cale juste après Unique maintenant sur Fun Radio, le son dance floor de Fun Radio Connected ce soir. Mercy, none of them no move me. Shy guy, yeah, me wanty. Only he can make me ayavre. Fire, bang bang dans le cœur des hommes. J'aime quand tu lis entre mes lignes. Pas que tu touches, mais que tu m'imagines. Et je slalom entre toutes tes belles paroles. Je les ai mis tout sur le bas côté. Pas besoin d'un homme pour exister. Parler, t'as beau parler, je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh Lord, have mercy. You money them in a party. The all of them sexy. Watch them just to follow me. Have mercy. None of them no move me. Shy guy, yeah, me wanty. Only he can make me ayavre. Sur tous ces beaux bars-là, apprends à voir ce que j'ai dans les pupilles, ce qui se cache sous mes talons aiguilles. Et je m'envole, non, personne ne m'impressionne. Même si ton regard me déshabille, même si tu sais viser dans le milieu. Parler, t'as beau parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver. Oh, mets de côté ton écho, essaie de voir sous ma peau. Cette fois, je t'emmènerai dans mon monde, dans ma lumière, dans ton monde. Si tu sais marcher dans mes pas. Oh là là, sexy. Watch them just to follow me. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son. When the stars start to fall, will you love me? Will you call? I need you close. Don't run away. Don't run away, chasing highs in the midnight sun. We fought for love, we were on the run. Tried my best to give you what you need. So one more chance, please don't leave. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Vous écoutez Fun Radio, 20h19. Belle soirée tout le monde. Je reçois tous vos messages par SMS au 3044. C'est le principe même de l'émission. Je lis tout ça en direct. Alberto de Namesh qui nous dit Dylan, est-ce que tu regardes Secret Story? La bonne nouvelle, c'est que non, je ne regarde pas. Et puis Tiffany qui nous dit dégoûté, dans quelques jours la rentrée, j'ai trop envie de repartir. Ah, c'est clair que c'est compliqué hein. Dès 20h, branchez-vous sur Fun Radio. C'est Fun Radio Connected avec Dylan. La suite du programme sur Fun Radio, sincèrement, ne touchez à rien. Ne zappez pas, il y a du très très lourd qui arrive, avec notamment 10 euros. 10 euros qui fait partie du double fun. Et le double fun cette semaine, c'est entre 10 euros et Sand of Legend avec le Komodo. Dès que je vous passe deux titres à la suite de ces Superstar Fun Radio, eh bien on vous offre votre MacBook Air. On aura l'occasion d'en reparler dans même pas deux minutes. Le temps de revenir sur ce qu'on a dit en début d'émission. En fait, en réalité, Arnaud qui m'accompagne tous les soirs et qui récolte tous vos messages au standard de fun au 02 851 4x0, dans le bureau en train de préparer l'émission, il m'a fait une petite imitation que je trouve juste terrible. Sincèrement, t'es le mec qui réalise le mieux l'imitation de cette personne que je n'ai jamais vue de ma vie. Alors, on vous a demandé de deviner par SMS au 3044. On a eu du Stromae, est-ce que c'est ça? Non. On a eu du Benoît Poulvord aussi non sur plus. Facebook. Non plus. Donc tu m'as dit les indices, il est belge et c'est un homme. Ouais. Est-ce que tu peux quand même nous faire un bon indice vocal, genre tu limites, je sais pas moi, en une demi-phrase. Vas-y. Je dirais que une chatte de le poil ras quoi. Vas-y, refais-le pour moi. Une chatte d'avoir le poil ras, c'est quand même pas compliqué. Ah, j'ai trouvé. Je pense que j'ai trouvé. Si vous aussi vous pensez, allez-y, envoyez-moi un petit SMS là. 3044, c'est 50 centimes par message, c'est le sujet du jour. Les imitations. Tu vas nous faire en entier. Quand les auditeurs auront trouvé, tu vas nous faire une belle imitation en entier. Je veux au minimum que ça dure 30 secondes. On va mettre le chrono, tu sais, ça va être bon délire. On va revenir sur le clash. Ça, c'est le rendez-vous dance floor de la soirée. Le clash, c'est super simple. On oppose en réalité deux stars Fun Radio et on les met en clash, en versus. Écoutez, ce soir, c'est ça. On oppose Soprano avec Le Diable ne s'habille plus en Prada face à un autre artiste Fun Radio, Willy William. avec Paris. Qu'est-ce qu'il est bon ce son? Ah, je kiffe aussi moi perso. Ah, il est pas mal, il est pas mal. Vous votez Soprano, vous envoyez ça par SMS au 3044 ou bien Willy William. On vous passe le gagnant en fin d'émission, c'est promis. Allez-y, votez maintenant. Gagnez votre MacBook Air pour la rentrée grâce à Fun Radio. Double Fun. Le double fun sur Fun Radio toute cette semaine, c'est juste un truc de dingue. Pendant que d'autres radios sont encore en train de réfléchir quoi vous offrir de bon pour la rentrée, je leur fais quand même une petite communication les amis. Nous sommes le 31 août, voilà. C'est peut-être un petit peu tard. Ici chez Fun, depuis lundi, eh ben c'est calé. On a pensé à vous, à votre rentrée, à votre portefeuille aussi. Quoi de mieux, sincèrement, dites-le-moi, que de démarrer la saison pour le boulot, pour les cours, pour les enfants, avec un tout nouveau MacBook Air. C'est la version 2016, c'est celui de cette année, le 13 pouces. Autant vous le dire, quand on les a achetés, ça a fait mal aux fesses. Hein. Ça a fait mal aux fesses de Madame la comptable Fun Radio. On lui fait des bisous, merci beaucoup. C'est grâce à elle. 1000 euros quand même le MacBook, c'est pas mal. On vous évite le passage en caisse. L'idée c'est de vous l'offrir ce MacBook, c'est le plus fin au monde. Si vous souhaitez avoir une chance d'être rappelé, je vous le dis direct, ça n'arrive pas qu'aux autres. Je vous conseille vivement d'envoyer déjà votre SMS histoire d'être sélectionné tout à l'heure. Vous envoyez Apple par SMS au 6322, c'est 1 euro par message. Voilà, je vous laisse 10 secondes. Vous prenez votre téléphone, vous vous inscrivez déjà maintenant pour peut-être être rappelé tout à l'heure si le double fun tombe. Allez-y, Apple par SMS au 6322. Apple au 6322, ça ne coûte qu'un euro par message. Je vous souhaite bonne chance. Des euros, ça arrive dans 5 minutes si j'enchaîne Send of Legend. Ah bah c'est le double fun sur Fun Radio. Bonne chance. Tous les soirs, la Fun Family est réunie. C'est Fun Radio Connected. 20h-22h sur Fun Radio. Accrochez-vous! Oui, dans la radio! Salut, c'est Bruno. On fait l'appel? Christina présente. Karina. Mika. Et Anto du JPI. Présent. Rachet, présent, frère. Meryl. Nicolas du Web. On est là. Fonf, je suis là aussi. Salut, c'est Louzman. Elliot. Et ouais, je suis là. Réveillez-vous avec l'appel de Vaché, le JPI, le choc des générations, le paiement de vos factures et du son dance floor. Depuis le 29 août, Bruno dans la radio, 6h-9h sur Fun Radio. Fun, Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Dance floor. Like a Ferris wheel spinning on and on, stuck in the same routine, the same old song. Don't be too rational, don't let it get to you. You will find a new direction, who knows where it's gonna lead. Suddenly it hits you, you know. It's a brand new start, a change of pace. Opportunity knocks, don't let it slip away. Better times to come, it's never too late. You will find a new direction, who knows where it's gonna lead. Suddenly it hits you. We'll be right back. vous entendez 10 euros et Sound of Legend à la suite. Double fun. Envoyez Apple par SMS au 6322. 1 euro message. Et gagnez l'ordinateur portable ultra fin d'Apple, le MacBook Air 13 pouces, grâce à Fun Radio. Le son Dance Fest. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. ¡Es la cosa! ¡Levámonos! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila, yo quiero probar. Y yo soy gitana, la van a envidiar. Baila como diosa, así no volverá. Soir, quel plaisir de passer les soirées avec vous. Il y a Déborah qui m'a dit sur Twitter hashtag Fun Connected. J'ai été en vacances dans le sud sur une plage nudiste et ça m'a bien libéré. Eh ben, et sincèrement, j'ai toujours rêvé de faire ça pour mater. Yolande qui nous dit Fun Radio Connected au top. Merci beaucoup Yolande. Je viens de vous passer 2 euros. Est-ce que c'est le double fun? Est-ce qu'il y a Sound of Legend? Eh ben non. La Belgique, c'est 8,5 millions de personnes ultra connectées chaque jour. Sur Fun, on les rassemble tous à la radio. Jusqu'à 22h, c'est Fun Radio Connected. Ça peut encore tomber tout à l'heure, donc restez bien là. C'est pas parce que c'est pas tombé maintenant que ça arrivera pas peut-être avant 22h, avant le Before Party Fun. Dans quelques minutes, on aura Thibault là qui nous a appelé au 02 851 4x0. Si vous venez de nous rejoindre là à 20h30, là sur Fun, peut-être dans la voiture, à la maison, au boulot, pourquoi pas, en mode petit apéro sur la terrasse, eh bien sachez que vous allez pouvoir passer vos messages maintenant, dorénavant, tous les soirs, du lundi au jeudi, dans Fun Radio Connected. On est connecté avec vous et on est connecté avec un autre personnage. C'est le personnage qu'on essaye de retrouver depuis le début de l'émission, là, depuis un petit peu plus d'une demi-heure maintenant. Je voulais raconter à 20h. En réalité, Arnaud, moi je le connais depuis 3-4 semaines. Ouais, et en fait, dans les bureaux, il nous a fait une imitation, mais de fou. Alors, est-ce que tu peux d'abord donner, parce qu'on essaye de retrouver un petit peu le personnage. Donc, tu nous avais dit qu'il était belge. Ouais, c'était un homme. Que c'était un homme. On nous a proposé Stromae, c'est pas ça, Poulvord. Qui était connu pratiquement mondialement. Pratiquement, voilà. On va dire. Poulvord, non plus. Non plus. Est-ce que tu peux refaire juste ton premier indice? Le premier indice que tu avais fait avec la petite chatte. Une chatte du rasé, il faut savoir. C'est... ça doit avoir le poil rat. Ah, c'est le poil rat, il est complètement zappé. Il y en a qui ont déjà trouvé par SMS au 3044. Je vous laisse encore un petit peu chercher, franchement, c'est facile. Hein. C'est facile. Tu peux nous donner, je sais pas moi, allez, un autre indice par exemple. Un autre indice. L'Olympus, t'es complètement malade toi. L'Olympus, t'es malade toi. Alors, ça c'est le vrai, alors ça c'est le faux, vas-y. L'Olympus, mais t'es malade toi. Et ça c'est le vrai. L'Olympus, T'as mal à... Ah, ça y ressemble, ou le tien. Allez-y par SMS si vous avez trouvé. 3044. On est en mode sujet du jour, imitation. Il y a Roland de Bruxelles qui nous dit que je sais imiter Homer Simpson. Moi aussi, je sais le faire, ça. Homer Simpson. Ah, je sais le faire. Ah, ça, je serais curieux d'entendre. Ah, bah, tu veux l'entendre? Allez, vas-y. Pinaise, mage. Ouais, c'est pas mal. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Etienne qui nous dit Alf. Nicolas Sarkozy aussi, Renaud. Adrien qui nous dit moi, je sais imiter François Hollande. Et enfin, Anaïs. Elle sait imiter Céline. Qui sait imiter Céline. Eh ben allez-y, dites-moi tiens, si vous avez des imitations, si vous les tenez, même pourquoi pas venir ici à l'antenne, il n'y a pas de problème. On est sans gêne. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Il y a de la gêne, il faut venir. Il y a Thibaut qui est avec nous sur l'antenne de Fun. Bienvenue sur Fun Radio, Thibaut, comment ça va? Salut, ça va et toi? Nickel, nickel. T'as 19 ans, tu viens de Verviers, c'est ça hein? C'est ça, c'est bien ça, ouais. Alors, dis-nous tout, qu'est-ce que tu vas raconter ce soir sur l'antenne de Fun Radio? Alors en fait moi je voulais profiter de ton émission pour passer un petit message à ma chérie qui s'appelle Sylvia. Je voulais la remercier d'être là. Ouais. Tout le temps pour moi, d'être super sympa, attentive et tout. Je voulais lui dire devant toute la Belgique que voilà, je l'aime très fort. Petite déclaration d'amour alors du coup. C'est joli ça. Ouais, petite déclaration d'amour. Tu l'as rencontrée comment, dis-nous tout, c'est ta copine donc oui. Ah. Ouais, c'est très simple. En fait, on était dans la même école et bon, pour moi, ça a été un coup de foudre. Je crois que j'ai un peu galéré avant de sortir avec elle. Mais un coup de foudre, voilà. Comme ouais, Arnaud, quoi. Tu lui dis quoi que tu l'aimes à l'antenne de Fun Radio? Pourquoi? Pour te faire pardonner de quelque chose ou pas du tout? Non, franchement. Moi je te dis la vérité comment je le ressens. Alors je te vois passer de la radio, mais à ta voix, moi je sens qu'il y a quelque chose. Ouais, franchement, ouais. Dis-nous tout. J'en suis certain. Parce que pour faire une petite déclaration sur Fun Radio, est-ce que tu as pas fait il y a quelques mois, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, il y a quelques heures, je ne sais pas, une petite connerie avec ta meuf et tu voudrais peut-être te faire pardonner sur Fun Radio? Je la sens comme ça, moi. Ouais, putain, tu m'as bien cerné. En fait, il y a quelques jours, j'ai un peu foiré et là, c'est un peu la guerre. C'est réglé logiquement, mais elle m'en veut toujours. Donc voilà, je vais me faire pardonner. Ouais, tu vois qu'il y avait quelque chose, je t'avais dit. Vas-y, lâche le dos, pourquoi tant qu'on y est. En fait, je lui avais offert des places pour le concert de Justin Bieber au Sport Palais parce qu'elle l'adore vraiment. Ouais. Mais sauf qu'après, bon, voilà, j'étais un peu en galère de thunes. Du coup, j'ai revendu ces places. Voilà pour un peu en avoir. Ouais. Attends, t'es en train de me dire qu'en fait t'as acheté des places pour Justin Bieber, donc j'imagine qu'elle est fan de Justin. Ouais, complètement. Et tu me dis que t'as vendu tes places de ta meuf parce que t'avais besoin de thunes. C'est ça. Ah, je comprends qu'elle a pas bien pris. Hein. En fait, tu veux lui faire passer ce message là, écoute. C'est un peu ça en fait. Ouais, c'est un peu ça. Du coup, là, je suis en galère, donc merci pour l'aide, quoi. Oh là là là là. Et non, mais franchement, elle s'appelle comment ta copine? Elle s'appelle Sylvia. Eh, Sylvia, si tu nous écoutes, voilà, il vient quand même sur Fun Radio te faire une grosse dédicace, te dire qu'il t'aime. Donc, ne lui pardonne pas d'avoir vendu tes places, on est d'accord? Non, Sylvia, pardonne-moi. Ouais, mais en plus, le pire, c'est que c'est quoi? C'est le concert à Anvers, non? Ouais, c'est ça, au Sport Palais, c'est ça. Ah, ça va être pas mal, ça, en plus. Non, mais le pire, c'est que c'est sold out, donc tu peux même pas racheter des places, Thibaut. Ah, c'est dingue. Bon, bah écoute, le message est passé, j'espère qu'elle est pas trop fâchée. J'espère en tout cas que ça lui fait plaisir. J'espère aussi qu'elle écoute la radio. J'espère aussi, ce serait un peu con sinon. Eh, on est là aussi pour ça, on est là aussi pour arranger vos plans. Hein. Bon, par contre, faites pas trop de conneries parce que là, franchement, t'as été. T'as augmenté le level. Voilà, t'as augmenté le level. Ouais. Moi, je fais ça à ma meuf, elle est pas fan de Justin Bieber. Mais enfin, bon, elle est fan de Justin Timberlake. Si je lui fais ça, mais laisse tomber, à 20h, il y a du blanc, il y a plus personne, il y a plus d'émission. Ça va, okay. Je vais me tenir à cadre. Bon, merci d'être passé en tout cas, Thibaut. Je te fais plein de bisous. Tu fais partie de la Fun Radio Family de Fun Radio Connected, d'accord? Merci à toi. À bientôt. Bientôt Thibaut, vous réagissez avec lui si vous avez des messages à faire passer. 02 851 4x0, c'est Arnaud qui récolte tout ça. Il décroche le cornet. Ouais. Voilà. Ken Jones, c'est ce qui arrive. Egophonic aussi. Et là voici la découverte Fun Radio. Eva Simons maintenant sur Fun. Oh Lord have mercy on me. I don't know what I'm doing. Hope I will be just fine. If I let my feelings out. For real, I had a good time. Just had enough for your mind. Can I really let you go? No, no, I'm holding on for life, 'cause I can't escape, escape from love, and I don't wanna die, but I can't escape, escape from love. I fun. Le son dance floor. Ah, laisse tomber, je vais pas te mentir. Dès que je t'ai vu, j'ai su que j'allais devoir me repentir. Et je suis plus que jamais, hey, comment te dire? Je vais pas faire le tour de la terre, suis-moi dans mon trip. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Ailleurs, ailleurs. Je m'envole ailleurs. Ailleurs, ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je fly, suis-moi dans mes bails si tu veux planer. Crier, oublie tes problèmes et laisse-toi aller. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole. Si tu l'approches, elle te traumatise. Quand elle whine sur la piste, elle est fraîche, déterre. Elle s'en fout de tout ce que les gens disent. Si tu l'approches, elle te traumatise. Quand elle whine sans compas. Ah, laisse tomber, je vais pas te mentir. Dès que je t'ai vu, j'ai su que j'allais devant me repentir. Et je suis plus que jamais, hey, comment te dire? Je vais pas faire le tour de la terre, suis-moi dans mon trip. Je m'avale ailleurs. Là sur Fun Radio, 20h41 au boulot ou en voiture, vous écoutez la bonne radio. C'est Fun Radio, le son dance floor de Egophonic à l'instant. On va se faire Kent Jones dans la foulée. J'adore ce hit. C'est ce qui va débarquer dans quelques petites minutes. On va parler du sujet du jour aussi, c'est les imitations et puis vos messages au 3044. Bizarre, personne parle de Vince, il est devenu quoi? Pourquoi vous avez dégagé la libre antenne? Oui, effectivement, bah Vince, bah on l'a pas dégagé, il reste sur Fun Radio mais dans un autre horaire. Vous aurez les infos très vite. Salut Dylan, on a le même prénom, tu dois être bon. Ah, je te confirme, les Dylan, ils sont plus bons, ils sont plutôt pas mal. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Du son dance floor toute la soirée et tous vos messages au 02 851 4x0. Prix d'un appel local. Fun Radio Connected, 20h-22h. C'est avant le Before Party Fun avec Dylan sur Fun Radio. Ouais, maintenant avec tous les appels gratos qu'on a, c'est quasiment gratuit de nous appeler. Hein. 02 851 4x0. Allez-y, on va rejoindre Martin dans quelques minutes qui va passer son message. Ce sera dans, allez, ouais, même pas deux minutes, le temps de revenir sur le sujet du jour. On revient sur ce qu'on a parlé tout à l'heure en début d'émission à partir de 20h. Je vous l'ai dit, j'ai découvert bon, je sais pas si on peut appeler ça un talent. Je sais pas si grâce à ça tu vas gagner de l'argent, mais ça comme ça, Le mec c'est quand même très très bien imité, un personnage que tout le monde connaît, une célébrité. On avait dit tout à l'heure qu'il était belge, que c'était un homme. Non, c'est pas Stromae, c'est pas Benoît Poulvorde non plus. On a eu d'autres propositions, c'était pas ça. Vous avez trouvé. Franchement, ils ont trouvé direct. C'était facile quand même. Je pense. On a reçu franchement pas mal de messages. C'était pas parfait, mais c'était facile quand même. Je pense. Exactement. 30-44, on a reçu vraiment pas mal de messages et des messages aussi où vous nous dites que vous imitez notamment Mickey pour Ronald. Ah, ça aussi, je sais l'imiter, Mickey. Ouais. Salut à tous, c'est Mickey. C'est pas mal. Ouais. Mini, je sais pas faire. Middle. Tom qui nous dit Donald, Soufiane qui nous dit Mika le chanteur, et Richard qui nous dit Sean Paul. Tomo Gabeto. Ah, c'est pas mal. Ils ont du talent, les Belges. Ça fait plaisir. Donc, du coup, oui, effectivement. Alors, vous l'avez compris, bah, c'est François l'embrouille. Ouais. Bonjour, tiens. Vas-y, refais-le. Bonjour, tiens. Ouais, c'est pas mal. Il y avait ceci aussi. On a passé des extraits. Louis Abus. T'as mal à toi. Et puis le fameux. Ou tu sors ou je te sors, mais voilà, prendre une décision. Et alors, attention, le final, parce que c'est pas tout. C'est pas tout de savoir imiter l'embrouille. L'idée, c'est d'imiter, mais vraiment le rire de François Damiens. Alors, attention, Je vous passe le vrai. Et juste après, ce sera celui imité par Arnaud. Écoutez. Putain, et tu le fais mieux que l'embrouille, quoi. Eh, c'est fou, écoute. Vas-y. Eh, franchement, t'es énorme, mec. Et vous avez été super nombreux à réagir par SMS au 3044. Ça fait grave plaisir. Continuez d'ailleurs à nous dire si vous avez, si vous savez imiter quelqu'un, une star, pourquoi pas. Vous venez le faire à l'antenne, y a pas de problème. On est ouvert à tout. Et sur le Twitter aussi, on est connecté. Hashtag FunConnected. Allez, c'est parti, j'appuie sur le bouton. Il y a Martin, il a 28 ans, il vient de Wavre apparemment. Est-ce que tu m'entends, Martin? Bienvenue sur Fun. Salut l'équipe, ouais, ça va nickel. Salut Martin. Super. Tu passes une bonne soirée? Ah bah écoute, avec le temps qu'il fait dehors, magnifique. Voilà, super, c'est ouais, terrible. On est d'accord, on est plutôt pas mal pour un 31 août. On va dire qu'on est encore en mode été. Bah oui, pourquoi passer l'été? Ouais, ouais, c'est ça, quoi. Ouais, c'est encore l'été, c'est encore l'été. Martin, tu viens passer un message, vas-y, dis-nous tout. Bah, je voulais juste passer un petit coucou, moi, à tous les auditeurs de Fun, à toute l'équipe de Fun, et un petit coucou aux collègues aussi, parce que c'est un petit peu pour ça que j'appelle, voilà. Ouais. Un petit coucou aux collègues de la clinique là où je bosse. Ouais. Tu bosses dans quelle clinique? Ça, déontologiquement, je peux pas vous dire. C'est tout près de Wavre, on aura ça comme info, quoi. Voilà, on aura pas plus. Et tu travailles dans quel service, du coup? Ah bah ça c'est beaucoup moins marrant, c'est le service gériatrie par exemple. Ah ouais, tu gères les petits vieux en fait, c'est un peu ça. Oui, bon voilà, dit vulgairement, oui en gros c'est ça, voilà. Tu gères les fans de questions pour un champion, quoi. C'est un peu effectivement, ça. Mais à mon avis tu dois aussi bien traîner dans les couloirs que moi, visiblement tu me connais. Hein. Non mais en plus c'est vrai, j'ai fait un stage, alors, quand je faisais pas de la radio je faisais autre chose, je faisais des trucs un petit peu moins intéressants, donc effectivement j'ai fait un stage dans les maisons de repos, donc c'est clair que j'en ai bavé avec les fameux questions pour un champion. Et ah, oui. Il t'est déjà arrivé quelque chose avec, parce que bon moi j'ai déjà eu quelques histoires, mais est-ce que t'as déjà eu des trucs un petit peu particuliers avec justement les personnes qui résident là-bas? En général non, mais ouais. Non, c'est vrai que voilà, par exemple j'ai eu bon, c'était à mes débuts, évidemment ce n'est plus à prendre en considération. Ouais. D'accord. À mes débuts, je me rappelle, j'avais enchaîné pas mal de nuits, j'étais fort fatigué, ouais. Et j'ai dû remplacer un collègue comme ça sur le pouce directement, et ouais. J'ai dû faire un matin, donc j'ai dû enchaîner pas mal d'heures comme ça. Ouais, t'étais crevé. Et je me suis un petit peu... Ouais, en gros, j'étais vraiment fatigué et je me suis un petit peu... J'ai peur. Ça sent mauvais, ça. Non, mais c'était mineur. Je m'étais un peu trompé de fiche patient. Ouais. J'ai filé une mauvaise gélule. Oh non. Et c'est pas trop grave, rassure-moi. Non, c'était juste voilà des petits problèmes digestifs qui ont... Voilà, mais bon, je me suis vite rendu compte... Voilà, je sais pas. Ouais, voilà, ça. Voilà. Enfin, t'as bien résumé le truc, voilà, c'est bien. Ah, c'est-à-dire que quand t'es revenu. Excusez-moi, madame Durand, est-ce que ça va? Oh, écoutez, je sais pas ce qui se passe, mais depuis tout à l'heure, je me relâche. Je sais pas ce qui se passe. Non, mais... C'est une pilule miracle que vous m'avez donnée depuis. Non, mais j'ai honte, honnêtement. Non, mais ça va, tant que c'est pas très grave, ma foi. Non, c'était des petits problèmes mineurs, rien de bien méchant. Bon, bah, mais avec le recul, assez marrant, effectivement, raconté. Imagine le mec chirurgien. En fait, je me suis trompé de patient, je lui ai amputé la jambe. Il était pas très très content, il m'a fait un procès, je sais pas pourquoi. Merci beaucoup d'être passé, en tout cas, Martin, et puis on salue tous ceux qui bossent de nuit. Je sais que c'est pas facile, il y a des professions comme ça, dont notamment les infirmiers, où c'est pas très très simple. On parlait des imitations, Martin. Tu sais imiter quelqu'un, toi, ou pas du tout? Homer Simpson, je peux tenter. Le classique, vas-y. Oh, pinaise. Ouais, ouais, ouais, c'est pas mal. Pas mal. Vas-y, dis-moi, où pinaise, Marge, il est où, Modonnet? Oh, pinaise, Marge, il est où, Modonnet? Ouais, ah, c'est pas tient, mal, c'est tient. Pas mal. Tu feras pas encore le doublage, mais c'est plutôt pas mal. Bon, bah, merci beaucoup, Martin, super sympa. En tout cas, tu repasses quand tu veux sur Fun Radio. Grand merci. Super, bonne soirée à vous tous et aux auditeurs de Fun. Ça fait merci plaisir. Martin. Bon, vous restez là sur Fun Radio. Kungs, le DJ français, je vais vous le passer dans un instant. Et moi, je suis parti cet été, comme ça, vous savez tout, aux États-Unis, en Californie. D'ailleurs, on va reparler de Las Vegas, on vous envoie là-bas. Et ce titre-là, ça tournait dans toutes les radios ricaines, dans toutes les radios en Amérique. C'est juste énorme. Il a débarqué chez nous d'abord en premier sur Fun. Kent Jones, Don't Mind, maintenant sur Fun Radio. Now I got a lesson.

plus de 21h, vous écoutez la bonne radio, la seule radio dancefloor du pays, c'est Fun Radio. Fun Radio Connected, la nouvelle émission tous les soirs, 20h, 22h. On passe nos soirées ensemble et le principe c'est de passer vos messages, comme celui de Sarah qui nous dit j'aimerais venir en studio demain, est-ce que c'est possible? Pas de problème, tu m'envoies un petit message sur la page Facebook Fun Radio Connected. Et puis Pierre de Saint-Nicolas, j'ai trop envie de passer à la radio mais j'ai peur, trop stressé. Eh, faut pas, franchement Arnaud, c'était ça le début et finalement, hein? Bah ça va, hein. Du son dancefloor, ah, toute la soirée. Et tous vos messages au 02 851 4x0. Prix d'un appel local. Fun Radio Connected, 20h-22h. C'est avant le Before Party Fun avec Dylan sur Fun Radio. Il nous a fait, on va dire, fait. Ah, vous l'avez reconnu, hein. Depuis 20h on essaye de reconnaître la personne qui imite super bien Arnaud. C'est celui qui récolte vos messages, notamment sur le numéro de la radio, 02 851 4x0. Alors en fait je galère un petit peu parce que j'essaie de rechercher ma fiche. Alors tu sais quoi, pendant que je recherche ma fiche, vas-y, enchaîne-nous un peu des imitations de François Lambrouille, puisque ça a été trouvé par SMS déjà il y a quelques minutes au 3044. Vas-y, fais-nous le final. Bien, en somme, je me présente en deux mots, Claudie Fogan, directeur et gérant des abattoirs d'Anderlecht. En somme, quand t'es bête, elle passe son dernier métier des fois, hein, tu vois ce que je veux dire. Hey, gamin, où tu sors, où je te sors, hein. T'as pas une décision, hein, vieux. Vas-y, le petit rire, tu le tiens. Mon ah, Dieu, quand deux blaireaux sont regardés dans ma gueule. Et le vrai, ça donne ça. Bonjour, Tia. Bonjour, Tia. Bonjour, Tia. Louer un bus? T'as mal à toi? Ou tu sors, ou je te sors, mais pour la prendre une décision. Et le final. Le fameux rire. Bon, François Lambrouille, ça c'est donc signé Arnaud. Vous aussi, vous avez apparemment des dons d'imitateur. Il y a Bastien qui nous dit, moi je sais imiter Michael Jackson. Truc comme ça. Christopher aussi qui nous dit Andrea Bocelli, Christophe Maé pour Benjamin. Et Vanessa Paradis, c'est Héloïse. Elle ressemble à quoi Vanessa Paradis, la voix? Vanessa Paradis. Aucune idée, franchement. Celle qui allait dans les quartiers, non? Ouais, c'est quasiment pas de voix en plus. Ouais, j'aurais. Oui, c'est ça. On va accueillir Stéphanie dans quelques minutes là sur Fun Radio. Stéphanie, tu es là, tu m'entends? Oui. Bon, et tu bouges pas. Je te prends dans même. Non. Je te prends dans même. Enfin, je te passe. Je te fais passer. J'étais. Passe pas mal, hein, Stéphanie. Sincèrement, je suis pas pour ça. Quoique. Ça va. T'es célibataire ou pas, Steph? Est-ce que tu es célibataire, Steph? Oui, je suis célibataire. Ok, donc y a pas un mec qui va me casser la gueule, quoi. Non, t'inquiète pas. Bon, ça marche, tu bouges pas. On te prend à l'antenne dans quelques petites minutes. D'ici là, eh bien, on va parler de Las Vegas. La teuf la plus extrême du monde. Villa avec Desperados dans un avion zéro gravité. Ça c'est énorme, puisqu'on va vous envoyer direction Las Vegas avec vos potes. Ça c'est avec Desperados que ça va se passer, les amis, le festival Zero Gravity. Il va falloir en parler, je trouve ça terrible. Alors je vous le dis direct, c'est la première fois que j'entends parler de ce genre de truc. Ça va se passer, écoutez bien, en Californie, aux États-Unis. Il y a que les ricains pour faire ça, ils sont complètement malades. Plus sérieusement, ce sera dans la ville mythique des casinos, la ville où tout est permis au final, hein. Las Vegas. Imaginez-vous décoller pour Vegas avec vos potes pour participer à cette expérience exceptionnelle. C'est le festival Zero Gravity. Le principe, en fait, c'est de prendre place dans un avion. Jusque-là, bah, rien d'exceptionnel, hein, sauf que dans l'avion, on vous tape un DJ, on vous tape du son dancefloor pendant tout le vol. Et pendant ce fameux vol, eh bien vous allez planer en plein vol en mode zéro gravité. Ouais, franchement, c'est flippant, hein, je vous l'avais dit. C'est clair que si vous adorez les sensations fortes, ah bah ça, c'est le bon plan. Si vous souhaitez participer, eh bien restez bien à l'écoute de Fun Radio toute la semaine prochaine. Du lundi au vendredi, toute la semaine prochaine, on vous envoie donc avec nos amis de chez Desperados à Las Vegas participer au festival Zero Gravity. Fun Radio Connected, la nouvelle émission, tous les soirs, hein, du lundi au jeudi jusqu'à 22h. Encore une petite heure à passer ensemble. Et avant d'accueillir Stéphanie comme promis sur Fun, Milo, c'est ce que je vous passe juste après Mo, c'est l'un de mes titres préférés. Voici Final 5 sur Fun Radio. Please, won't you wait, won't you stay, at least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Song. Don't let this be our final song. Oh, oh, oh. So hear me out before

soirée tout le monde, merci d'être là, je m'appelle Dylan, Fun Radio Connected tous les soirs, 20h-22h avant le Before Party Fun. Vos messages qui continuent de tomber, notamment sur Snapchat, le compte à ajouter, super simple, hein. C'est Fun Connected, ajoutez-nous, on vous montre aussi les coulisses de l'émission, pendant qu'on reçoit aussi vos messages. Corentin de Liège, est-ce qu'on peut venir voir l'émission? Pas de problème, suffit de nous rejoindre sur Snap, tu nous poses la question, tu nous notes ton numéro de téléphone, on te rappelle, pas de problème. Et Esteban qui nous dit bonne ambiance en studio, on dirait une vraie émission de radio. Bah oui, c'est effectivement une vraie émission de radio, je te le confirme. Du son dance floor toute la soirée et tous vos messages au 02 851 4x0, prix d'un appel local. Fun Radio Connected, 20h-22h. C'est avant le Before Party Fun avec Dylan sur Fun Radio. Ouais, juste avant les mix des DJ, je vous retrouverai aussi ce soir 22h minuit pour le Before Party Fun. Cashmere, c'est le son dance floor qui arrive. Ça a été demandé par Mario du côté de Liège. Il veut écouter le duo entre Zao et MHD avec Laisse les Kumar. C'est ce qu'on va vous passer. J'adore le petit rap-up de MHD. On va vous le passer, c'est promis, dans quelques petites minutes. On va revenir sur le sujet du jour. Je vous l'avais dit en début d'émission, Arnaud, c'est à la perfection, je trouve, imiter notre fameux François Lambrouille. Bonjour Tia. Bonjour Tia. Et surtout le fameux rire de François Lambrouille. Vas-y, fais le bref. Il est énorme. Et donc du coup, eh ben, par rapport à ça, on vous a posé un petit peu la question, est-ce que vous savez imiter un petit peu des stars ou quoi que ce soit? Et on a reçu pas mal de messages aussi sur Twitter, puisqu'on est connecté sur tous les réseaux, Fun Radio Connected du coup, avec le hashtag Fun Connected. Vous continuez à balancer vos messages, comme celui de Adrien qui nous dit, moi je sais imiter Akon, et moi aussi en plus. Enfin je le tiens limite quoi. Attends, je vais vous le faire en direct. Attends, je m'échauffe un peu. Et il a besoin de s'échauffer, quoi. C'est ridicule. Yo, check it out, man. This is Akon on Fun Radio. Wow. Ouais, c'est un pote, il m'invite de temps en temps à Miami. Ouais, c'est ça. Ouais. Maxime qui nous dit aussi, Maître Gims. Christophe Maé pour Benjamin. Pas très dance floor, ça, Benji. Christopher qui nous dit aussi Andrea Bocelli. Voilà, ça, c'est les messages qu'on a reçus par SMS au 3044. Il y a qui est au standard de Fun Radio? Il y a Stéphanie là qui est avec nous. Comment ça va, Steph? Hey, oui, ça va, toi? Qu'est-ce que tu faisais là, Stéphanie? Tu nous écoutais pas ou quoi? Mais en fait, je pensais à une petite question te concernant. Ouais, dis-moi. Est-ce que tu es célibataire? Ah, j'avais eu peur. Oh. Je me dis, qu'est-ce qu'elle va me poser comme question? Elle m'a posé la question tout à l'heure, donc je me permets de te la demander puisque j'ai vu ta photo sur la page. Ah, c'est vrai, t'as regardé un peu sur la page Fun Radio Connected du coup? Ben oui. Et quoi, ça va, je suis pas trop dégueulasse, j'ai pas le physique de radio? Non, ça va, parce que je te demanderais pas si t'es célibataire alors. Ouais, c'est vrai, voilà. Je préfère m'en rien. Tu cherches peut-être un plan d'un soir, je sais pas. Ah, moi je dis ça sent le love. Hein. Ça sent le love. Bah écoute, Steph, pour te dire la vérité, c'est entre les deux. En fait, c'est compliqué, voilà. C'est un petit peu compliqué pour le moment. Donc pourquoi pas finalement, Stéphanie? C'est vrai. Non, mais allez, tu me fileras ton Facebook. T'es le mec qui en profite, quoi. Il fait de la radio. T'en profites avec la radio, ouais, c'est ça, quoi. Non, mais. T'en profites, mais je peux en profiter aussi. Hein. Oui, c'est un peu ça. Sinon, Stéphanie, tu venais passer un message, je pense. Oui. Dis-nous. En fait, je souhaite faire un big up à mes copines de Anse et aux étudiants de l'UCL. Ah, je connais bien Anse. Moi, j'habitais Montaugnier, donc c'est à Liège, hein, c'est ça. Hein. Oui. T'as vu, je connais. À Anse, ouais, c'est ça. Et bon, salut les Liégeois qui nous écoutent, notamment sur le 99 FM. Là, je connais la fréquence. D'accord. Et ben, écoute, le message est passé. Dis-nous, tu vas aller à l'UCL? Tu es déjà à l'UCL? Ici, je vais commencer ma deuxième année en logopédie. Ah, cool. Et quoi, ça va, j'articule bien? Pas de problème par rapport à ça? Non, ça va, ça va. Et quoi, ils sont sympas, les profs, là-bas, à l'UCL? Ça se passe bien? Ça va, quoi. Certains profs sont un peu bizarres, mais on fait avec. Hein. Ouais, mais ça, tout le monde. Mais c'est-à-dire bizarre, genre comme quoi, par exemple? Ben là, on a une prof, elle se répète tout le temps, mais c'est déconné. Et elle supporte pas quand on joue avec le bica 4 couleurs. Ah oui, ça, elle connais, pète ça, vraiment un câble. Ouais. Et elle ferme son cours et elle veut plus donner cours. Ah oui, carrément. Donc en fait, les petits bruits, ça fait... Ouais. Et si tout le monde s'amuse à faire ça, surtout dans les universités, dans un en fait, théâtre, on adore faire ça aussi. Hein. C'est ça. Non, mais c'est plutôt une bonne nouvelle si elle arrête le cours finalement. Ouais, mais bon, la matière doit être vue et les examens. La matière est là pour les examens. Quoi. Et quoi, rassure-moi, il y a quand même que elle de bizarre ou il y en a d'autres de profs? On a un autre prof aussi, c'est vraiment le gros hyperactif. Ouais. Et il transpire vraiment comme un veau, c'est vraiment pitoyable. Mais c'est fou parce que j'ai l'impression qu'on a tous vécu un petit peu la même chose. Moi, ouais, j'avais un prof aussi. Mais j'ai souvent remarqué, alors je fais pas une généralité, mais en tout cas de mon expérience perso, il y avait pas mal de profs de latin, de science, tu vois, les trucs qui touchaient un petit peu à ça, où je pense qu'ils connaissaient pas le dieu. Moi, par exemple, j'avais un prof de latin, oui, j'ai fait du latin quelques jours. Et en fait, on savait quelques minutes avant. Oh là là, qu'est-ce que tu fais? Tu manges ton téléphone, Stéphanie? Qu'est-ce qui se passe? Je suis dehors pour avoir le réseau. Pas donc de problème. Il y a une voiture qui vient de passer. Pas de problème. En fait, je disais, ouais, j'avais un prof où on savait, sincèrement, deux minutes avant, si on passait dans le couloir, on savait que le mec était passé là. Je te promets, c'est vrai. Tellement il sentait fort. Je sais pas si c'est ton, enfin, pas ton cas, mais si c'est le cas de, si c'est le cas du prof. Mais il y a des profs qui savent pas tout le temps. Hein, ouais. C'est vrai. Bon, j'ai l'impression qu'ils sentent pas leur odeur, tout simplement. Oui, ça c'est vrai. Apparemment, ils flinguent, mais ils le sentent pas. Apparemment, quoi, les gens ne sentent pas leur odeur. Voilà, je ne te fixe pas, Arnaud, pas du tout. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Stéphanie, je te fais plein de bisous. En tout cas, t'étais super sympa. On fait un merci, big up. Merci, c'est gentil. Franchement, on se marque bien avec toi. Liège est dans c'est la place gentil, aussi, ce hein. soir. À bientôt, des bisous, Steph. Merci, Adina. Ciao. Bon, vous restez là sur Fun Radio. Cachemire, hein, c'est ce qui débarque. Et puis, ça a été réclamé par SMS au 3044. On vous diffuse aussi vos titres, hein, pas de problème. Voici Zao avec MHD. On va laisser les Kouma maintenant sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. Fun Radio Connected, je m'appelle Dylan. Arnaud est avec moi jusqu'à 22h. Zao MHD maintenant sur Fun Radio. Ilo et la dit, les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Ilo et la fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. Oh. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Si l'ami de tout le monde est l'ami de personne, laissez-moi dans mon coin, ici l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée, c'est chaud. Pourquoi verbaliser, c'est chaud. L'ambiance est validée, c'est chaud. Le terrain balisé, c'est chaud. Laisse-les parler. Tu me parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil, mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble, mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mif. Quand le bonheur s'approche, les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les acter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps. Je m'en saillais. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Tout le monde bouge. Tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura tapé. Fun Radio. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Écoutez le son d'Enflor un petit peu partout en Belgique, soyez les bienvenus, hein, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. C'est Fun Radio Connected, comme tous les soirs, avec toujours vos messages par SMS au 30-44, c'est 50 centimes par message. Je fais un coucou à Omar qui nous dit: vous êtes trop à l'aise au micro, les gars, et ça fait plaisir, merci Omar. Autre SMS, Marie, vous avez l'air de très bonne humeur, ça fait plaisir à entendre, on est là pour ça, hein, pour vous divertir là sur Fun Radio. Et puis Nicolas qui nous dit: salut les gars, je vous écoute d'un ascenseur dans lequel je suis bloqué. Ah, ça c'est la loose, j'attends qu'on vienne me dépanner. Bon, au moins t'es pas tout seul, mec. L'avenir appartient à ceux qui se connectent tôt. 20h, c'est pas mal, non? 20h, 22h, c'est Fun Radio Connected. 21h27, quasiment 21h30, vous écoutez Fun Radio, vous écoutez la bonne radio. C'est le son d'Enflor qui arrive, Boosty dans quelques minutes. Quintino aussi, le nouveau, le DJ. Je vais vous le passer dans quelques secondes. Si vous êtes, je ne sais pas moi, allez au boulot maintenant à 21h27, il y en a qui bossent le soir, le mercredi. Eh bien allez-y, si vous êtes avec les collègues, vous faites un petit message, vous prenez votre téléphone, vous envoyez votre SMS au 3044 et pour seulement 50 centimes, eh bien vous passez votre message sur Fun Radio. Voilà, on ouvre les vannes de communication, on fait de tout pour que vous soyez chez vous, dans la voiture aussi, allez-y. Franchement, voilà, j'appuie, j'ai le lien devant moi, j'ai les SMS au 3044, si vous l'envoyez maintenant, je le diffuse tout de suite, il n'y a pas de problème. Quelle équipe du tonnerre, et la musique est terrible, ne changez rien, c'est signé Vincent qui nous dit, et puis un autre message qui nous dit Willy William. Alors ça c'est par rapport au Clash, le Clash, on y revient maintenant sur Fun Radio. Tous les soirs, dès 20h, venez défendre votre star préférée, c'est le Clash dans Fun Radio Connected. Juste avant d'accueillir Antonio, le Clash de ce soir, un Soprano face à Willy William. Le principe il est simple, on oppose deux stars Fun Radio, il y en a une qui va gagner et on la diffusera en fin d'émission. Soprano était devant, Willy William vient de dépasser Sopra, ça fait plus ou moins 65% pour Willy William. Si vous souhaitez voter, ah bah ça se déroule aussi par SMS tout simplement au 3044. On va reparler notamment du MacBook Air et du Double Fun. Si on enchaîne 2 euros à Sand of Legend, on vous offre votre MacBook Air, ça c'est tout juste parfait pour la rentrée. Quintino, le nouveau, nouveauté Fun Radio, c'est ce qui arrive juste après Boosty maintenant. Bienvenue tout le monde, Fun Radio Connected, je m'appelle Dylan, on est là jusqu'à 22h en pleine forme.

vont te passer la soirée en mode dance floor sur Fun Radio. Fun Radio Collected, 20h sur Fun. Bienvenue si vous venez de débarquer à l'instant. Il y a Esteban qui nous dit bonne ambiance en studio, on dirait. Et en plus, ah ouais, vous voyez pas, mais pendant le son de Quintino, on était à fond là. On était, on s'est pas dansé, heureusement que c'est de la radio et qu'on nous voit pas. Kevin aussi qui nous dit bonsoir la Fun Family Connected. Un grand beau jour de Sambreville. Et salut les Carolo, merci d'être là. Ma sœur, c'est la meilleure de toutes les sœurs. Et ben voilà, le message est passé. Et Fatima qui nous dit salut Dylan, vous offrez toujours le MacBook. Ouais, c'est toujours en cours, pas de problème. L'avenir appartient à ceux qui se connectent tôt. 20h, c'est pas mal, non? 20h, 22h, c'est Fun Radio Connected. Il reste encore un petit peu plus de 20 minutes d'émission, donc le MacBook peut encore tomber. Hein, le double Fun, 10 euros avec Send a Fledge Gen si vous souhaitez vous inscrire. Et je vous conseille vraiment de le faire maintenant. Ça risque de tomber avant 22h vu que le double Fun n'a pas encore été capté. Vous envoyez Apple par SMS au 6322. Apple maintenant au 6322. C'est 1 euro par message. Je vous souhaite bonne chance. MacBook Air 13 pouces, version 2016 peut-être pour vous pour la rentrée. C'est tout le mal que je vous souhaite. Matcon, c'est ce qui arrive. Sac Noël aussi avec Salvi. Ça, c'est côté son Nine Floor. Et puis au standard, au 02-851-4x0. C'est Arnaud qui réceptionne les appels, dont notamment celui de Antonio qui nous a appelé il y a quelques minutes là sur Fun. Il a 25 ans et il vient de Nivelles. Comment ça va, mon Antonio? Eh ben ça va bien, et toi comment ça va? Eh ben tranquillement, dis-moi tu fais quoi dans la vie ou tu faisais quoi là en écoutant Fun Radio? Eh ben écoute, justement dans la vie pour l'instant je suis un petit peu en galère, je suis agent immobilier mais là j'ai plus de taf, donc du coup je profitais de passer à l'antenne pour faire un appel s'il y a des petits patrons qui sont preneurs pour un agent immobilier, eh ben je suis là quoi. D'accord, t'es diplômé agent immobilier, tu exactement, fraîchement diplômé. Tu es prêt à bosser? On sent la motivation surtout, c'est ça qui est bien avec lui. Totalement motivé, voilà. Donc voilà, je fais appel à vous pour ça, un petit coup de pouce quoi. T'es prêt à bosser gratos? Ouais, ça dépend, on peut s'arranger. Il y a toujours des films, on peut toujours s'arranger. Et mais en fait, tu cherches du taf au final, tu viens passer le message sur Fun pour ça. Ouais, c'est un petit peu ce que je viens de dire. Ouais. C'est un peu ça. Pour résumer, toutes les personnes là qui écoutent Fun Radio le soir, y a peut-être un patron, c'est vrai, qui recherche un employé ou qui veut en remplacer un qui est pas très très bon et qui vend rien. allez-y par SMS 3044. Vous mettez simplement immobilier. Voilà, comme ça on peut prendre votre numéro et on peut vous mettre en contact. Il y a pas de problème. Donc allez-y, n'hésitez pas. C'est quoi, tout près de la région de Nivelles alors du coup ou pas spécialement? C'est ça, c'est Nivelles. C'est Nivelles. Je peux me déplacer. Je suis motorisé. Il y a pas de souci. Ok. Tu peux sans problème faire le Stéphane Plaza belge. Exactement, je vends 3 apparts en 2 secondes, c'est ça. D'accord, ok. Et t'es agent immobilier et en l'occurrence quoi, tu fais quoi de tes journées maintenant alors du coup qui était en mode chôme douche? Bah ouais c'est ça, bah écoute, je fais pas grand chose, je suis un petit peu à la maison et ouais j'ai un petit passe-temps mais bon j'en ai un petit peu honte d'en parler à la radio, je sais pas. Allez franchement on est entre nous, c'est la Fun Family, il y a juste 200 000 personnes qui écoutent, pas de problème, vas-y. Ouais mais on est bien. Ah il y en a que 200 000. Ouais il y en a que 200 000, ça va. Vas-y dis-nous tout, c'est quoi ça? Ouais donc voilà, comme je t'ai dit, je suis un petit peu souvent à la maison pour l'instant étant donné que j'ai pas de taf. Et, ouais. En fait moi je regarde pas la télé ou je vais pas sur l'ordi. En fait ce qui m'intéresse c'est de regarder par la fenêtre. Ah sérieux, t'es en mode un petit voyeur alors? Ouais non mais c'est ça le délire, c'est que c'est pas voyeur, ça peut paraître comme ça, c'est dégueu mais c'est je sais pas, je trouve ça intéressant de regarder les gens qui passent comme ça sans être vu. Et quoi, t'as déjà vu côté mesquin comme ça? Il est dingue l'Antonio. T'as déjà vu des trucs de fou toi chez tes voisins ou pas? Pas des trucs de fou, ça dépend si t'entends pas des trucs de fou, mais tu sais j'habite dans un quartier assez huppé on va dire, donc en face de chez moi si tu veux il y a une famille qui a une petite piscine et puis monsieur habite en quartier huppé comme ça. Ouais voilà c'est ça, disons que si je joue au jeu de cette famille je prendrais leur fille quoi. Hey, il est bon le Antonio. En fait tu passes t'es sûr que tu veux pas rester au chômage pour continuer à mater toi? Bah je peux faire les deux, je pense que si je suis agent immobilier tu vois je peux rentrer dans j'ai les clés des maisons. Ah oui c'est ça, je me faufile dans l'armoire et voilà tu vois. Hey, mais en fait, tu sais Antonio, ça me fait penser à un film. Alors je sais pas si tu l'as vu Arnaud. Je crois que alors je sais plus le titre, mais c'est Shia LaBeouf qui espionne ses voisins avec les jumelles et il découvre des trucs de fou, dont notamment le fait que son voisin est un tueur. Ouais, si je sais, ça je me souviens. C'est paranoïaque, non? Ouais, paranoïaque. Il me semble que c'est paranoïaque. Ouais. Voilà, c'est ça, le film de dingue. J'espère pas pour toi que ton voisin est un meurtrier, un serial killer, mec. Ouais, merde, arrête, c'est chaud là, tu vas me faire flipper. Là. Ouais, on va rester sur le travail. Donc 30-44, ouais, si vous avez du taf en agent immobilier à proposer à notre ami Antonio, qui apparemment parle bien, il vend bien le truc. Antonio, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Ouais, je suis sûr. Tout est possible. Un grand merci d'être passé, Antonio. S'il y a jamais quoi que ce soit, on te rappelle demain dans l'après-midi pendant qu'on prépare l'émission. Si on reçoit des messages, on fait ça, on te met en communication, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de quoi, merci beaucoup. Et continuez comme ça, je me fendais à la gueule depuis 2-3 jours. Ah, là, c'est quoi. Bon, bah ça, c'est ça fait plaisir, poto. Et quand t'as des bonnes photos, tu me les envoies. Hein. Ça va, direct, je pense à toi, ça va, pas de soucis. Il faut en bikini là. Les blondes, si jamais. Merci beaucoup, Antonio. Vous restez là, Matcon, c'est ce qui arrive pour le son Dance Floor sur Fun Radio. On est en mode bon délire avant ça. Mettez le son à fond, on passe la soirée avec le son Dance Floor de Sac Noël. Voici Trumpets sur Fun. You see that girl with the big tic tac, if you give me the head to the floor, girl, give me the bend over, girl, and give me the spit down to the ground, seismic activity. Spin round me, girl, and give me the top wine, girl, and give me the body look fine, girl, give me the coming out, waste some time, girl, give me the body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Funny body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Make the trumpets blow. Sing it on a comedy. And them say you have the comedy. So me won't get some and come trouble. Bust two buckler, the bubbly. Call in two friend and then double. Girl so hot, she a bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pony body, me take up a permanent residence. Trumpets blow. Fun Radio. Fun Radio. The Soul Dance Club. If I act a fool, détester. Tu es tout le temps en train de faire en sorte que je pète un plomb et tu le sais. Tu le fais exprès. Je fais des efforts et toi t'es pas content. J'en suis sur moi quand tu prends les devants. Surtout, ça me rend fou. Tu fais ta princesse pour le size. Je me demande si t'es là pour ma maille. Je m'en fous. Mais quand je te vois, je suis censé rester cool. Ma belle, t'es pas du genre à venir en taxi. Le chauffeur t'a déposé toi et ta beauté. Mat le tapis que je suis en train de te dérouler avec classe. Mais je n'ai pas le temps, car un minute tout s'efface comme Cendrillon. Si le courant passe, mon carrosse est devant, mais. Et je suis censé rester cool. So fresh and so clean. Try and get a vibe but keep it low key. I said don't worry, the drinks is on me. And how to keep cool when this chick is so real. Yeah, blown off the meter. Repeat to myself, keep cold when you meet her. Don't need to get drunk to talk, but with that juice in your truck. How am I supposed to keep my. Effectivement, on est à la cool sur Fun Radio. Je m'appelle Dylan, 21h45. Encore un petit quart d'heure pour lâcher vos messages. C'est le principe même de cette nouvelle émission. 20h-22h, Fun Radio Connected. Big up à Lucien de Merbeck qui est connecté. On va lire son message dans quelques petites minutes. Et on va lire aussi le prénom des personnes qui viennent de liker la page Facebook Fun Radio Connected. Marilyn, Manolia, Nivek, Sebato, Lydie aussi et tous les autres, ça fait plaisir. Et un autre message qui nous dit: je m'éclate quand je fais des imitations de Rocky. Continuez à nous faire rire et bouger avec vos super. Bise à toute l'équipe. Passez vos messages, vos coups de gueule ou venez délirer. Fun Radio Connected. 20h-22h avec Dylan. C'est par SMS, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat ou au 02 851 4x0. Prix d'un appel local. Fun Radio Connected. Tous les soirs dès 20h, c'est sur Fun Radio. Le son dance floor. On fait un coucou à Tracy de Courcelles qui nous écoute notamment sur funradio.be. Elle nous a envoyé un petit message. Et là on va faire un petit tour du côté de Snapchat. Oui, on est connecté sur tous les réseaux. Le pseudo, c'est à chaque fois pareil. Comme ça, vous savez, Fun Connected. Elodie Douarem qui nous dit: je profite des prix cassés et là, je suis en vacances en Espagne. Trop, trop bien. La chance. 31 août, toujours en vacances. Ça, c'est franchement pas mal. Et puis, Mickaël qui nous dit: bonjour Dylan. Salut Arnaud. Est-ce que tu as vu la nouvelle recrue Stan Siu au Sporting d'Anderlecht? Il a l'air pas mal. Tu connais un peu? Tu connais un peu en foot ou pas? Ouais, un peu. Anderlecht, ouais. Stan Siu, je crois que c'est un roumain, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça? Je pense que c'est ça. Effectivement, j'avais lu un article. Alors t'en penses quoi? Aucune idée. Je sais que le Sporting d'Anderlecht c'est Bruxelles. À part ça, faut pas m'en demander trop. Oui, et un autre SMS aussi que je voulais absolument lire, c'est signé Raphaël qui nous demande comment participer à l'émission du matin Bruno dans la radio. Ça aussi c'est une nouveauté de la rentrée. Bruno dans la radio qui est de retour. Vous l'entendiez à la base le week-end et là maintenant il est là durant la semaine. Entre 6h et 9h, vous allez pouvoir retrouver dès demain matin le JPI, la chanson du jour, le Vaché Time, les People de Christina. Il y a le top 3 aussi d'Eliott qui est juste énorme. Et si vous souhaitez participer à l'émission, c'est possible tout simplement par mail. Voilà, bruno@funradio.fr. Chez nous aussi, il y a des gens qui participent, comme Olivier de Namur qui vient réagir au sujet du jour. On parlait des imitations avec notamment Arnaud qui imite super bien, notamment François Lambrouille et le rire de François Lambrouille. Olivier, t'en penses quoi du rire de mon pote Arnaud? Non, on est en train de courir là, on est en train d'essayer de savoir qui nous sommes. C'est un peu ça. Ah ouais. Voilà, ok. Et Olivier, t'arrives à imiter quelqu'un ou pas toi? Bah alors, à un moment donné, on m'a dit voilà, Benoît Poulevent, sérieux. Vas-y. Ne sers pas, je te l'ai dit, ouais, sérieux. Vas-y. Alors moi, à un moment donné, ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Les briques, tu pourrais essayer de savoir. Moi je suis pas un brigand, je suis parti comme ça dans les brigades et en Et là tu crois que t'es mis de France. Là tu crois que. On essaie que le tuneur, pourquoi? Comment on a parlé de Namur? Pour essayer de savoir. Ouais, pourquoi ça. J'ai une armure pour essayer de savoir. Ouais. Olivier, est-ce que tu es déjà dans l'imitation ou pas? Non. Pas encore, vas-y, non, allez. Je te laisse 10 secondes parce qu'on est pressé par le time. Okay. Vas-y. Ok. qu'est-ce qui vous fait bander, putain, jour après jour? Moi. C'est pas mal. Il le tient, c'est pas mal, Olivier. Et franchement, merci d'être passé, Olivier, t'as tout déchiré. Vous étiez super nombreux aussi à réagir ce soir. Ça fait grave plaisir. On est réellement à la bourre. Je vais me faire tuer, mais un truc de fou. Et en plus, vous avez promis de vous passer Gradure. Ça a été demandé sur Twitter. Gradure, je vous le passe maintenant. Et on prend le ou la gagnante du clash. Le clash entre Soprano et Willy William. Quel titre allons-nous vous passer ce soir? Ce sera juste après Compromis. Gradure maintenant. Voici Rosa sur Fun Radio, le son Dance Floor de Fun Radio Connected. Mamacita de la Rosa. Une jolie beauté comme Rosa Acosta. Verre de rosé, un pas de côté. D'un coup mon cœur s'emballe, je veux la doter. Elle est chevrée, c'est de la peau frais. C'est toi que je veux chérie, y'a pas d'à peu près. Je vais réussir ma vie, avec ou sans toi. Je veux que tu sois mon bébé, je te mette la bague au doigt. Laisse-les parler, je sais qu'elle te jalouse. T'es ma chantier, moi je suis ton tchaout. J'ai fait des fois dans ma vie, mais oublie mon parcours. J'ai toujours là pour toi, on se fera la guerre et l'amour. Des fois tout ira mal, donc on va se taper. Et en temps de guerre, on se fera des bébés. On va s'aider, se trahir, se haïr, se chérir, se soutenir, mais s'aimer. Il aimait à la mort, elle aimait à la vie. Il vivait pour elle, pouvait mourir pour lui. Mais il a trompé, elle a quitté le navire. Son cœur est en chute et son bateau chavire. Il aimait à la mort, elle aimait à la vie. Il vivait pour elle, pouvait mourir pour lui. Mais il a trompé, elle a quitté le navire. Son cœur est en chute et son bateau chavire. Rosa, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Elle a fait pleurer Melosa. Rosa, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Elle a fait pleurer Melosa. Ah. Tellement de soucis dans la tête et ce moment jaillait. Dans un océan de billets, je vais de me noyer. Rosa dans ma tête, je l'ai côtoyée. Depuis qu'elle est partie, je l'ai pas oubliée. Elle a bousillé ma tête et mon esprit. Mon cœur s'est ouvert à cette mélodie. J'suis condamné à rapper ma vie, mon vécu. Car niveau sentiment, j'suis maudit. Oui, j'suis un artiste, j'sais qu'est-ce que tu croyais. On peut pousser la mêlée, on fait pas qu'aboyer. J't'avoue, j'ai volé pour payer mon loyer. Mais j'ai de la culture, j'ai ouvert mon cahier. Un cœur de pierre fait en béton armé. Trop de femmes ont déçu, poteau, j'peux plus aimer. Me suis juré d'avancer, réussir mes projets, ne pas louper le corps. Allez, c'est bon, ça, Fun Radio Connected, c'est tous les soirs, on est à la cool. 20h, 22h. Eh, ça passe vite. On est déjà à la fin de l'émission, on va prendre le ou la gagnante du clash dans quelques minutes. Avant ça, j'ai un SMS de Elodie Douarem qui nous dit non, je profite des prix cassés, ça je l'ai déjà lu. Romina, salut Fun, est-ce que vous pouvez passer un bonjour à ma maman Rita qui écoute la radio dans la voiture en ce moment, j'espère qu'elle écoute. Eh bien voilà, Romina, le message est passé. Et Samir, en fin de forêt, qui nous dit, si vous voulez, je vous apporte des durums en studio. Ah, ça on aime. Moi ce sera sans oignon andalouse. Voilà, donc pas de problème. Samir apparemment qui tient un snack sur forêt. Eh, franchement ça j'adore. On a quand même les meilleurs auditeurs, franchement. Tous les soirs dès 20h, venez défendre votre star préférée. C'est le Clash dans Fun Radio Connected. Le rendez-vous dance floor du soir, le Clash. C'est uniquement sur Fun Radio dans Fun Radio Connected. Ce soir, Soprano était opposé à Willy William. Deux artistes fun évidemment. Vraiment beaucoup de messages. Il y en a qui voulaient écouter du Soprano, d'autres Willy William. On a donc les résultats. Je me balade en Paris. Il y a Dylan qui est au standard de Fun Radio. Bonjour Dylan, comment ça va? Salut, ça va et vous? Nickel. Déjà, je te le dis direct, t'as un prénom de ouf. Bah, c'est moi qui t'ai fait le message tantôt. Ah oui, c'est juste. Tu m'as dit, ouais, je m'appelle comme toi. Non, mais ça fait plaisir, Dylan. T'as quel âge, tu viens d'où? Dis-moi. 22 ans, j'habite Mons. D'accord, ok. T'as participé au clash, t'as juste envoyé en fait le nom de l'artiste que tu voulais écouter entre Soprano et Willy William avant le Before Party Fun qui va démarrer à 22h. Dis-moi, t'as choisi qui? T'as choisi qui comme artiste? Willy William. Willy William, eh bien, sincèrement, écoute ce que je vais te dire. La bonne nouvelle, c'est que Willy William a totalement écrasé le pote Soprano Baba, puisque Willy William a quand même récolté, écoute bien, 68% des SMS. Donc c'est quand même plutôt pas mal. La bonne nouvelle, Dylan, c'est que Willy William avec Paris, ce qui est en l'occurrence ton titre dance floor préféré, eh bien je vais te le passer dans quoi? Dans, allez, même pas 3 minutes, ça va pour toi Dylan? Ouais, elle est super. Eh, Dylan, il est super sympa. Ouais. Dis-moi, t'es quoi? T'es en mode vacances en ce moment encore? Non, j'ai repris le boulot. D'accord, tu bosses dans quoi Dylan? Je suis pas un industriel.

been thinking too much. Help me. La Belgique, c'est 8,5 millions de personnes ultra connectées chaque jour. Sur Fun, on les rassemble tous à la radio. Jusqu'à 22h, c'est Fun Radio Collective. J'ai troqué ma voiture pour un vélo, roulé sur ces rues pavées. Un air d'été sur la capitale, on était là là là. Quelques musiciens me donnaient la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la, parce que moi je me balade en Paris. Ram-pa-pa-pam, ram-pa-pa-pam-pam. Dès 20h, pour continuer à lâcher vos messages, direction la page Facebook Fun Connected, Snapchat ou le Twitter avec le hashtag Fun Connected. Yo, it's time! Fun! 22h. You ready? Sur Fun Radio. Fun! Vous entrez dans la seule émission de Belgique. Mixé in the mix. Press play. Party. Fun. C'est le Before Party Fun avec Dylan sur Fun Radio. Exactement, c'est Dylan sur Fun Radio. Je suis très content de rester avec vous et de passer ma nuit avec eh bien, les plus grands DJ de la planète. Ça se passe comme ça tous les soirs de la semaine, du lundi au jeudi, 22h minuit. C'est le Before Party Fun. Alors autant vous le dire, en Belgique, aucune autre radio fait ça. Le Before Party Fun, c'est la seule émission à être mixée en direct tous les soirs de la semaine entre 22h et minuit. Ici, on a décidé de pas faire de blabla et de vous booker les plus grands DJ de la planète et de vous passer les meilleurs sons d'influence du moment, comme par exemple celui-ci, la découverte Party Fun DJ Snake. Il fait partie des meilleurs DJ du monde. Il a démarré de rien et depuis maintenant, il est diffusé sur toutes les radios au monde. DJ Snake, Talk, la découverte Before Party Fun, c'est maintenant sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. 22h minuit sur Fun Radio. Dylan mix en direct. C'est le Before Party Fun. On passe passe nos soirées ensemble sur Fun Radio en mode mix, en mode dance floor avec la nouvelle émission de la rentrée tous les soirs du lundi au jeudi, le Before Party Fun avec dans quelques petites minutes Martin Solveig, on l'écoute, Do It Right et le nouveau Kungs, la découverte de l'émission Before Party Fun sur Fun Radio. Minuit, le Bifor Bar Di Fun sur Fun Radio. I'm gonna rock your back, take it now, fuck. Gonna rock your back, don't stay no. I'm gonna rock your back, take it now, fuck. Gonna rock your back, don't stay no. Minuit, c'est le Before Party Fun sur Fun Radio.